on va repartir. On était parti sur la rigueur. La rigueur. Ah, les boys, le rire qu'il a. On lui a coupé les cheveux. Ouais, ouais, la pauvre, hein. C'est de la peine, moi. Car... Elle a réussi à faire son trou dans le mur? Non, pas encore. En fait, Cricket, elle est toujours en tôle. Et en quelle Non, mais c'est Michael Baldwin qui l'a défoncé cette Ah, d'accord. Ah, Sophia, je crois qu'on s'entend bien. Ouais. Et quand est-ce que JR va enfin se taper une pute? Mais JR, il s'est mis une balle, il est plus dans ce monde. Bon, on va laisser parler un petit peu François, c'est mal parce que vous parlez tout seul dans le vide et là c'est pas très intéressant. Gérard s'est barré définitivement. Oh non. C'était les adieux de Gérard, je pense qu'à mon avis il a un contrat avec Europe 1 ou Skyrock qui nous empêche de... Tu aurais pu faire une bouffe avant. Ouais, c'est clair, il a déconné sérieux quoi. Balancez bien les noms de radio, or que c'est faux. Ta gueule. Gérard, t'as été voir Radio Anguin. Il a autocollant Fun Radio et dedans il a que des autocollants Skyrock. Gérard, Barclay, t'es indigne de scène. Eh gros con, t'as signé un contrat avec FG? T'es un traître? Gérard, tu arrives sur ta valise, t'as des autocollants FG? T'as un débat à tenir et tout, tu te barres.